tout est plus dans 99. Mais tout est plus dans 99. On s'intéresse au flow, on s'intéresse au son et on commence à tâter le micro. Okay. À cette époque, nos écrits ne veulent pas dire grand chose. Mais on s'en fout, s'il y a le kiff, c'est qu'on aura la prose. Année 2004, on est droit dans la team. Mathieu et LRM, et TS 9 au platine. Sa pose et sa gaulerie, okay. Sa prose au MIC. Okay. La bonne époque, quand le peur nous a appris la vie. Puis arrive 2005, et ce triste mois d'avril. Mathieu va nous quitter, et j'ai perdu le sourire. Quel dur moment que la disparition d'un pote. Le temps a beau passer, je n'oublie pas l'époque où ça grattait des flots de love, de cœur, de corps. On est corda, mais pas des flots de mort. Et c'est à lui, cousin, que je casse dédie ce morceau. Et entre nous, pas de négro, juste des potos. De 99 à aujourd'hui, ça gratte encore. Mais je n'oublie pas tous ceux qui ont trouvé la mort. Et c'est aussi pour eux que je continue le combat. Pour tous ces gens disparus qu'on aime, qu'on n'oubliera pas. De 99 à aujourd'hui, ça gratte encore. Mais je n'oublie pas tous ceux qui ont trouvé la mort. Et c'est aussi pour eux que je continue le combat. Pour tous ces gens disparus qu'on aime, qu'on n'oubliera pas. De 007 et sous le signe de LRM. Avec un premier album dans les bacs, ça multiplie les scènes. Engagé l'opus et enragé le blaze. C'est la rime meurtrière qui vient pour découper les phases. Représente le 7-8 et casse dédié au Bélair. Comme TS numéro 9 sur le son MLR. Sa pose et sa gaulerie, okay. Sa prose au MIC, okay. La bonne époque quand le peur a tu lui as pris la vie. Puis arrive février, une triste nuit d'hiver. Rien ne bouge dans la rue, hormis le RER. Un grand bonhomme vient de nous quitter sans crier gare. C'est un long tunnel qui l'attend avec les pleins phares. On se rappellera d'un homme, d'une plume, d'un rap mélancolique et mélodieux qui vient droit du bitume. Et c'est pour lui, cousin, que je casse dédie ce morceau. Et entre nous, pas de négro, juste des poteaux. De 99 à aujourd'hui, ça gratte encore. Mais je n'oublie pas tous ceux qui ont trouvé la mort. Et c'est aussi pour eux que je continue le combat. Pour tous ces gens disparus qu'on aime, qu'on n'oubliera pas. De 99 à aujourd'hui, ça gratte encore. Mais je n'oublie pas tous ceux qui ont trouvé la mort. Et c'est aussi pour eux que je continue le combat. Pour tous ces gens disparus qu'on aime, qu'on n'oubliera pas. Nous sommes en 2010 et j'ai continué le son. Ma plume a du respect et j'en ai pris des leçons. Je tire de chacun d'eux un peu des qualités d'antan. Pour un, je m'applique sur les mots et pour l'autre sur le chant. Rajoute à ça un peu de rébellion dans les écrits. Et ça te donne un TS tout craché, tout est gris. Je voulais gratter un morceau pour ne pas oublier d'où j'ai tiré mon inspi et la passion de rapper. Ça fait quelques années maintenant, j'ai pris de la bouteille et je continue le combat avec ou sans oseille. Je leur devais bien ça en tant que pote ou en tant qu'homme. Alors je fais comme je peux pour clasher Babylone. Car j'ai ouvert les yeux, je ne peux plus les refermer. Si la plume saine, c'est que le poète se sent enfermé. Comme dirait LRM, on est tous identiques dans le fond. Je me décris dans mes écrits et puis je m'applique dans le son. De 99 à aujourd'hui, ça gratte encore. Mais je n'oublie pas tous ceux qui ont trouvé la mort. Et c'est aussi pour eux que je continue le combat. Pour tous ces gens disparus qu'on aime, qu'on n'oubliera pas. De 99 à aujourd'hui, ça gratte encore. Mais je n'oublie pas tous ceux qui ont trouvé la mort. Et c'est aussi pour eux que je continue le combat. Pour tous ces gens disparus qu'on aime, qu'on n'oubliera pas. De 99 à aujourd'hui, ça gratte encore. Mais je n'oublie pas tous ceux qui ont trouvé la mort. Et c'est aussi pour eux que je continue le combat. Pour tous ces gens disparus qu'on aime, qu'on n'oubliera pas. De 99 à aujourd'hui, ça gratte encore. Mais je n'oublie pas tous ceux qui ont trouvé la mort. Et c'est aussi pour eux que je continue le combat. Pour tous ces gens disparus qu'on aime, qu'on n'oubliera pas.